Section 75 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 75. Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Le broyeur de lin par Ernest Renan de l'Académie française. Suite du chapitre 3. Sa femme mourut, je crois, à Jersey. Il y avait une fille qui était née vers l'époque de l'émigration. C'était une belle et grande fille. Tu ne l'as vue que fanée. Elle avait de la sève de nature, un teint splendide, un sang pur et fort. Il eût fallu la marier jeune, mais c'était impossible. Ces faillis petits nobles de petite ville, qui ne sont bons à rien et qui ne valaient pas le quart du vieux noble de campagne, n'auraient pas voulu d'elle pour leur fils. Les principes empêchaient de la marier à un paysan. La pauvre fille restait ainsi suspendue, comme une âme en peine. Elle n'avait pas de place ici-bas. Son père était le dernier de sa race, et elle semblait jetée à plaisir sur la terre pour n'y pas trouver un coin où se caser. Elle était douce et soumise. C'était un beau corps, presque sans âme. L'instinct chez elle était tout. C'eût été une mère excellente. À défaut du mariage, on eût dû la faire religieuse. La règle et les austérités l'eussent calmée, mais il est probable que le père n'était pas assez riche pour payer la dot, et sa condition ne permettait pas de la faire sœur converse. Pauvre fille, jetée dans le feu, elle était condamnée à y périr. Elle était née droite et bonne, n'eut jamais de doute sur ses devoirs, elle n'eut d'autre tort que d'avoir des veines et du sang. Aucun jeune homme du village n'aurait osé être indiscret avec elle, tant on respectait son père. Le sentiment de sa supériorité l'empêchait de se tourner vers les jeunes paysans. Pour ceci, elle était une demoiselle, il ne pensait pas à elle. La pauvre fille vivait ainsi dans une solitude absolue. Il n'y avait dans la maison qu'un jeune garçon de 12 ou 13 ans, neveu de Kermel, que celui-ci avait recueilli et auquel le vicaire, digne homme s'il en fut, apprenait ce qu'il savait, le latin. L'église restait la seule diversion de la pauvre enfant. Elle était pieuse par nature, quoique trop peu intelligente pour rien comprendre au mystère de notre religion. Le vicaire, un bon prêtre, très attaché à ses devoirs, avait pour le broyeur de lin le respect qu'il devait. Les heures que lui laissait son bréviaire et les soins de son ministère, il les passait chez ce dernier. Il faisait l'éducation du jeune neveu. Pour la fille, il y avait ces manières réservées qu'ont nos ecclésiastiques bretons avec les personnes du sexe, comme ils disent. Il la saluait, lui demandait de ses nouvelles, mais ne causait jamais avec elle, si ce n'est de choses insignifiantes. La malheureuse s'éprenait de lui de plus en plus. Le vicaire était la seule personne de son rang qu'elle vit. S'il est permis de parler de la sorte, ce jeune prêtre était avec cela une personne très attrayante. À la pudeur exquise que respirait tout son extérieur, se joignait un air triste, résigné et discret. On sentait qu'il avait un cœur et des sens, mais qu'un principe plus élevé les dominait, ou plutôt que le cœur et les sens se transformaient chez lui en quelque chose de supérieur. Tu sais le charme infini de quelques-uns de nos bons ecclésiastiques bretons. Les femmes sentent cela bien vivement, cet invincible attachement à un vœu qui est à sa manière un hommage à leur puissance, les enhardit, les attire, les flatte. Le prêtre devient pour elle un frère sûr qui a dépouillé à cause d'elle son sexe et ses joies. De là un sentiment où se mêlent la confiance, la pitié, le regret, la reconnaissance. Mariez le prêtre et vous détruirez un des éléments les plus nécessaires, une des nuances les plus délicates de notre société. La femme protestera car il y a une chose à laquelle la femme tient encore plus qu'à être aimée, c'est qu'on attache de l'importance à l'amour. On ne flatte jamais plus la femme qu'en lui témoignant qu'on la craint. l'Église, en imposant pour premier devoir à ses ministres la chasteté, caresse la vanité féminine en ce qu'elle a de plus intime. La pauvre fille se prit ainsi pour le vicaire d'un amour profond qui occupa bientôt son être tout entier. La vertueuse et mystique race à laquelle elle appartenait ne connaît pas la frénésie qui renverse les obstacles et qui estime de rien avoir si elle n'a pas tout. Oh, elle se fut contentée de bien peu de choses. Qu'il admît seulement son existence, elle eût été heureuse. Elle ne lui demandait pas un regard, une pensée eût suffi. Le vicaire était naturellement son confesseur. Il n'y avait pas d'autre prêtre dans la paroisse. Les habitudes de la confession catholique, si belle mais si périlleuse, excitaient étrangement son imagination. Une fois par semaine, le samedi, c'était une douceur inexprimable pour elle d'être une demi-heure seule avec lui, comme face à face avec Dieu, de le voir, de le sentir, remplissant le rôle de Dieu, de respirer son haleine, de subir la douce humiliation de ses réprimandes, de lui dire ses pensées les plus intimes, ses scrupules, ses appréhensions. Il ne faut pas croire néanmoins qu'elle en abusa. Bien rarement une femme pieuse ose se servir de la confession pour une confidence d'amour. Elle y peut jouir beaucoup, elle risque de s'y abandonner à des sentiments qui ne sont pas sans danger, mais ce que de tels sentiments ont toujours d'un peu mystique est inconciliable avec l'horreur d'un sacrilège. En tout cas, notre pauvre fille était si timide que la parole eût expiré sur ses lèvres. Sa passion était un feu silencieux, intime, dévorant. Avec cela, le voir tous les jours, plusieurs fois par jour, lui, beau, jeune, toujours occupé de fonctions majestueuses, officiant avec dignité au milieu d'un peuple incliné, ministre, juge et directeur de sa propre âme, c'en était trop. La tête de la malheureuse enfant n'y tint pas, elle s'égarait. Des désordres de plus en plus graves se produisaient dans cette organisation forte et qui ne souffrait pas d'être déviée. Le vieux père attribuait à une certaine faiblesse d'esprit ce qui était le résultat des ravages intimes, de rêves impossibles en un cœur que l'amour avait percé de part en part. Comme un violent cours d'eau qui, rencontrant un obstacle infranchissable, renonce à son cours direct et se détourne, la pauvre fille, n'ayant aucun moyen de dire son amour à celui qu'elle aimait, se rabattait sur des riens, obtenir un instant son attention, ne pas être pour lui la première venue, être admise à lui rendre de petits services, pouvoir s'imaginer qu'elle lui était utile, cela lui suffisait. Mon Dieu, qui sait ? Pouvait-elle se dire ? Il est homme après tout, peut-être au fond se sent-il touché, et n'est-il retenu que par la discipline de son état ? Tous ses efforts rencontrèrent une barre de fer, un mur de glace. Le vicaire ne sortit pas d'une froideur absolue. Elle était la fille de l'homme qu'il respectait le plus, mais elle était une femme. Oh, s'il l'avait évitée, s'il l'avait traitée durement, c'eût été pour elle un triomphe et la preuve qu'elle l'avait atteint au cœur. Mais cette politesse toujours la même, cette résolution de ne pas voir les signes les plus évidents d'amour, était quelque chose de terrible. Il ne la reprenait pas, ne se cachait pas d'elle, il ne sortait pas du parti inébranlable qu'il avait pris de n'admettre son existence que comme une abstraction. Au bout de quelque temps, ce fut cruel. Repoussée, désespérée, la pauvre fille dépérissait, son œil s'égara, mais elle s'observait. Au fond, personne ne voyait son secret, elle se rongeait intérieurement. « Quoi ? » se disait-elle. « Je ne pourrai arrêter un moment son regard. Il ne m'accordera pas que j'existe. Je ne serai quoi que je fasse pour lui qu'une ombre, qu'un fantôme, qu'une âme entre cent autres. Son amour, ce serait trop désiré, mais son attention, son regard. Être son égal, lui si savant, si près de Dieu, je n'y saurais prétendre. Être mère par lui, oh, ce serait un sacrilège, mais être à lui, être Marthe pour lui, la première de ses servantes, chargée des soins modestes dont je suis bien capable, et de la sorte avoir tout en commun avec lui, tout, c'est-à-dire la maison, ce qui importe à l'humble femme qui n'a pas été initiée à de plus hautes pensées. Oh, ce serait le paradis. Elle restait des après-midi entiers, immobile, assise dans sa chaise, attachée à cette idée fixe. Elle le voyait, s'imaginait être avec lui, l'entourant de soins, gouvernant sa maison, baisant le bas de sa robe. Elle repoussait ses rêves insensés, mais après s'y être livrée des heures, elle était pâle, à demi morte. Elle n'existait plus pour ceux qui l'entouraient. Son père aurait dû le voir, mais que pouvait le simple vieillard contre un mal dont son âme honnête ne pouvait même pas concevoir la pensée? Cela se continua ainsi peut-être une année. Il est probable que le vicaire ne s'aperçut de rien, tant nos prêtres vivent à cet égard dans le convenu, dans une sorte de résolution de ne pas voir. Cette chasteté admirable ne faisait qu'exciter l'imagination de la pauvre enfant. L'amour chez elle devint culte, adoration pure, exaltation. Elle trouvait ainsi un repos relatif. Son imagination se portait vers des jeux inoffensifs. Elle voulait se dire qu'elle travaillait pour lui, qu'elle était occupée à faire quelque chose pour lui. Elle était arrivée à rêver éveillée, à exécuter comme une somnambule des actes dont elle n'avait qu'une demi-conscience. Nuit et jour, elle n'avait plus qu'une pensée. Elle se figurait le servant, le soignant, comptant son linge, s'occupant de ce qui était trop au-dessous de lui pour qu'il y pensât. Toutes ces chimères arrivèrent à prendre un corps et la menèrent à un acte étrange qui ne peut être expliqué que par l'état de folie où elle était décidément depuis quelque temps. Ce qui suit, en effet, serait incompréhensible si l'on ne tenait compte de certains traits du caractère breton. Ce qu'il y a de plus particulier chez les peuples de race bretonne, c'est l'amour. L'amour est chez eux un sentiment tendre, profond, affectueux, bien plus qu'une passion. C'est une volupté intérieure qui use et tue. Rien ne ressemble moins au feu des peuples méridionaux. Le paradis qu'ils rêvent est frais, vert, sans ardeur. Nulle race ne compte plus de morts par amour. Le suicide y est rare. Ce qui domine, c'est la lente consomption. Le cas est fréquent chez les jeunes conscrits bretons, incapables de se distraire par des amours vulgaires et vénales. Ils succombent à une sorte de langueur indéfinissable. La nostalgie n'est que l'apparence, la vérité est que l'amour chez eux s'associe d'une manière indissoluble au village, au clocher, à l'angélus du soir, au paysage favori. L'homme passionné du midi tue son rival, tue l'objet de sa passion. Le sentiment dont nous parlons ne tue que celui qui l'éprouve. Et voilà pourquoi la race bretonne est une race facilement chaste. Par son imagination vive et fine, elle se crée un monde aérien qui lui suffit. La vraie poésie d'un tel amour, c'est la chanson de printemps du Cantique des Cantiques, poème admirable, bien plus voluptueux que passionné. Iem transit, imberbit et recessit, vox turturis audita est in terra nostra, surge, amica mea, et veni. Fin de la section 75, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.